Melmoth ou l'homme errant, dernière partie, Robert Mathurin. Quand Melmoth eut achevé la lecture du manuscrit, il se pencha sur la table devant laquelle il était assis. Sa tête était appuyée sur ses mains. Il avait les sens comme égarés et l'esprit dans un état où la stupeur se mêlait à l'irritation. Au bout de quelques instants, il se leva avec un tressaillement involontaire. Et il vit le portrait qui semblait le regarder fixement. Il était placé à fort peu de distance du tableau, et cette distance paraissait encore diminuée par la lumière forte dont il était éclairé. Melmoth crut pour un moment que la peinture allait ouvrir la bouche et lui expliquer la mystérieuse existence de son original. Il contempla à son tour le portrait. Le plus profond silence régnait dans la maison. Ils étaient seuls ensemble. À la fin, l'illusion se dissipa, et comme l'esprit passe facilement d'un extrême à l'autre, Melmoth se rappela l'ordre que son oncle lui avait donné. Il saisit le portrait. Sa main trembla dans le premier moment, mais la toile usée semblait faciliter ses efforts. Il l'arracha du cadre avec un cri moitié effrayant, moitié triomphant. Le portrait tomba à ses pieds, et il frémit en le voyant tomber. Il s'attendait que des sons plaintifs, des soupirs d'une horreur prophétique et inexplicable, suivraient le sacrilège qu'il commettait en enlevant des murs paternels le portrait d'un de ses ancêtres. Il s'arrêta pour écouter. Aucun bruit ne frappa son oreille, mais par un effet du raccourci, les plis que forma la toile, en tombant à terre, donnèrent au portrait l'apparence du sourire. Melmoth éprouva à cette vue une horreur inconcevable. Il releva le tableau, courut dans la chambre voisine, le coupa en lanières, le jeta au feu, et ne le quitta point qu'il n'en eût vu consumer le dernier débris. Il se jeta alors sur son lit, dans l'espoir de réparer ses fatigues par un sommeil profond. Mais il lui fut impossible de dormir. La lumière triste des tourbes qui continuaient à brûler dans le foyer le troublait à chaque instant, en jetant une teinte rougeâtre sur tous les meubles de la chambre. Le vent était très élevé, et chaque fois que la porte craquait, Melmoth croyait entendre tourner la serrure, et un pied se poser sur le seuil. Tout à coup, soit en songe, soit en réalité, Melmoth n'en acquit jamais la certitude. Il crut voir à cette même porte l'image de son ancêtre. Elle hésitait, comme la nuit de la mort du vieux Melmoth. Elle approcha enfin de son lit et lui dit à l'oreille « Vous m'avez donc brûlé, mais je puis survivre à ces flammes. J'existe, je suis à vos côtés. » Melmoth tressaille. Il saute à bas de son lit et voit le jour. Jetant les yeux autour de lui, il n'aperçoit personne dans la chambre. Il éprouve seulement une légère douleur dans le poignet droit. Il y regarde et voit une marque bleue, comme celle d'une main, qui l'aurait pressée avec force. Chapitre 5. Le soir d'après, Melmoth se retira de bonne heure. Le peu de repos qu'il avait goûté la veille lui rendait le sommeil nécessaire, et la tristesse du temps ne lui inspirait pas le désir de prolonger la journée. On était à la fin de l'automne, de gros nuages parcouraient lentement le ciel, comme pour se conformer à l'ennui que l'âme éprouve dans cette saison de l'année. Il ne tombait pas une goutte de pluie. Les nuées en s'amoncelant présageaient une tempête affreuse. La menace ne tarda pas à s'accomplir. La soirée offrit une obscurité prématurée, et des rafales soudaines ébranlaient la maison jusque dans ses fondements. Vers la nuit, la tempête fut dans toute sa force. Le lit de Melmoth était secoué au point de lui ôter toute possibilité de dormir. Il se leva et descendit à la cuisine où les domestiques rassemblés étaient assis autour du feu. Tous convenaient qu'ils n'avaient jamais entendu de tempête aussi horrible. Et dans l'intervalle des coups de vent qui s'engouffraient dans la cheminée, ils offraient au ciel des prières pour ceux qui étaient sur mer pendant cette nuit. la proximité de la côte, qui était de celle que les marins appellent malsaine, donnait à leurs vœux une effrayante sincérité. Bientôt cependant, Melmotte découvrit que leur esprit éprouvait d'autres terreurs, encore que celles qu'inspirait la tempête. Ils semblaient tous la croire intimement liée avec la mort récente de leur maître et avec la visite du personnage extraordinaire dont l'existence ne souffrait aucun doute à leurs yeux. Ils se communiquaient mutuellement leurs craintes, à voix basse, mais assez distinctement pour que Melmotte, qui marchait à grands pas dans la cuisine, put fort bien entendre ce qu'ils se disaient. La frayeur aime l'association des idées. Elle se plaît à lier l'agitation des éléments avec celle de la vie de l'homme. Le vent, les éclairs, le roulement du tonnerre trouvent toujours quelqu'un dont l'imagination active reconnaît en eux la suite ou le présage d'une calamité. Ils ont toujours quelque rapport avec le sort des vivants ou la destinée des morts. Il est parti avec ce coup de vent et une des vieilles femmes, en ôtant la pipe de sa bouche et en cherchant vainement à la rallumer aux cendres que la tempête avait dispersées sur le carreau. « Il reviendra !» s'écria une autre. « Il reviendra, il ne repose pas. » Il crie et se lamente, jusqu'à ce qu'il ait dit quelque chose qu'il n'a jamais pu dire pendant sa vie. « Dieu nous préserve !» ajouta-t-elle en se baissant pour parler dans la cheminée comme si elle avait voulu adresser la parole à cette âme inquiète. « Dites-nous ce que vous désirez et faites cesser la tempête. Y consentez-vous ? » Le vent lui répondit avec d'affreux hurlements. La vieille se retira en frissonnant. « Si c'est là ce que vous voulez, prenez-les tous, » dit une jeune femme que Melmotte n'avait pas encore remarquée. Et en disant ces mots, elle arracha avec vivacité ses papillotes et les jeta au feu. Son action fit souvenir Melmotte d'une histoire ridicule qu'on lui avait racontée la veille. Il paraît que cette jeune fille s'était servie pour ses cheveux de quelques vieux papiers de famille tout à fait inutiles. Elle s'imagina néanmoins que le bruit terrible qui se faisait là-haut provenait de ce qu'elle s'était emparée d'une chose appartenant au défunt. Elle n'eut donc rien de plus pressé que de s'en dessaisir en ajoutant « Allons, allons, soyez contents, au nom du Seigneur, et qu'il n'en soit plus question. Vous avez maintenant ce que vous désirez. Nous laisserez-vous tranquilles ?» Melmotte ne put s'empêcher de rire de cette apostrophe. Tout à coup, il s'arrête, frappé d'un son qui n'était pas celui du vent. « Chut, silence, je viens d'entendre un coup de canon. Il y a un vaisseau près de la côte. » Chacun se tut pour écouter. Nous avons déjà dit que la demeure de Melmotte était près de la mer. Aussi ses habitants étaient-ils accoutumés aux naufrages et à toutes les horreurs qui les accompagnent. Et il n'est que juste de dire que jamais des signaux de détresse ne les avaient trouvés lents à courir au secours de leurs semblables. Tous les domestiques fixèrent leur regard sur Melmotte. On eût dit que ses yeux pouvaient dévoiler les secrets des abîmes. Le vent s'apaisa pendant un moment qui s'écoula dans un morne silence et dans l'attente la plus douloureuse. Le même son se répéta. On ne pouvait plus s'y tromper. C'était un canon. Il y a un vaisseau en détresse, s'écria Melmotte, en s'élançant hors de la cuisine et en disant aux hommes de le suivre. Ils ne se firent pas prier, ne demandant pas mieux que de courir au-devant du danger. Après tout, une tempête est moins terrible au grand air qu'entre quatre murs. Elle excite l'énergie de ceux qui y sont exposés. Elle les stimule à agir et flatte leur vanité, tandis que ceux qui restent chez eux éprouvent un besoin d'action qui leur fait presque préférer la souffrance et la crainte. On aurait de la peine à se figurer la confusion qui tout à coup régna dans la maison. De tous côtés, on cherchait de vieux habits, de vieilles bottes, de vieux chapeaux du défunt. Pendant ce temps, Melmotte était montée à la chambre la plus élevée de la maison. Le vent avait brisé la fenêtre. S'il y avait eu de la lumière, il aurait distingué la mer et une grande étendue de côtes. Il mit la tête à l'air et l'avança le plus qu'il put, en retenant son haleine pour mieux entendre et mieux voir. La nuit était sombre, mais son œil, rendu perçant par l'inquiétude, finit par distinguer une lumière à une grande distance en mer. Une rafale le força de s'éloigner pour un instant. À son retour, il aperçut une faible lueur bientôt suivie d'un coup de canon. Il ne lui en fallut pas davantage, et en moins de 5 minutes, Melmotte et ses gens furent sur le rivage. Ils n'avaient pas loin à aller, mais la violence du vent retardait leur marche, et l'inquiétude la faisait paraître plus triste encore. De temps à autre, il se disait d'une voix entrecoupée, « Réveillez les habitants de cette chaumière. Il y a de la lumière dans cette maison. Ils sont tous levés. Cela n'est pas étonnant. Qui pourrait dormir pendant une pareille nuit? Tenez la lanterne plus basse. Il est impossible de tenir sur la grève. Encore un coup de canon !» s'écrièrent-ils tous à la fois en distinguant la lueur de l'amorce qui perçait l'obscurité de la nuit. Et le coup retentit, bientôt pesamment autour du rivage, comme si on l'eût tiré sur la tombe des infortunés. « Voici le rocher, tenons-nous bien, et ne nous quittons pas. » Ils l'escaladèrent. « Grand Dieu !» s'écria Melmotte, qui était au nombre des plus avancés. « Quelle nuit et quel spectacle !»« Élevez votre lanterne. N'entendez-vous pas des cris? Faites-leur un signal. Faites-leur comprendre qu'ils peuvent espérer que le secours est près d'eux. Arrêtez » ajouta-t-il au bout d'un instant. « Laissez-moi monter sur cette roche. Ils entendront mes cris. » Il se mit à traverser témérairement le bras de mer qui le séparait du promontoire où il voulait monter, tandis que l'écume des brisants dont il était enveloppé menaçait de le suffoquer. Il arriva à la fin, et fier de son succès, il cria de toutes ses forces. Mais sa voix se perdit dans la tempête. Lui-même, il put à peine l'entendre. Dans cet instant, les nuages, chassés avec rapidité, s'entr'ouvraient, et la lune vint dissiper l'obscurité. Melmotte aperçut distinctement le vaisseau et reconnut tout son danger. Il avait échoué contre un rocher au-dessus duquel les brisants lançaient leur écume à la hauteur de plus de 30 pieds. Le corps du navire était à moitié sous l'eau. Son grand mât était coupé. Les cordages étaient déchirés. Et à chaque lame qui passait sur le pont, Melmotte entendait les cris de ceux qu'elle entraînait, ou de ceux dont les forces et le courage étaient également épuisés, ne conservaient plus d'espoir et savaient que leur trépas serait le premier qui suivrait. Rien n'est plus horrible que de voir des hommes périr si près de nous, qu'il suffirait en quelque sorte de leur tendre la main pour en sauver quelques-uns, sans qu'il soit possible d'exécuter le simple mouvement d'où dépendrait leur salut. Melmotte le sentit. Et il fut si pénétré de l'inutilité de ses efforts que ses cris inarticulés ne faisaient qu'imiter le bruit des vents qui sifflaient autour de lui. Sur ces entrefaites, toute la population du voisinage, alarmée par la nouvelle qu'un vaisseau se perdait sur la côte, arrivait en masse sur le rivage. Et ceux mêmes qui, par expérience, par conviction, ou peut-être par ignorance, ne cessaient de répéter qu'il était impossible de sauver le navire, que tout l'équipage devait infailliblement périr. Cela même, disons-nous, ne laissait pas de presser le pas, comme s'ils eussent été impatients de voir leurs prédictions se réaliser, tout en s'efforçant d'en détourner l'effet. On remarquait surtout parmi eux un homme, qui assurait pertinemment que le vaisseau aurait coulé à fond avant qu'il ne puisse arriver sur la grève. Monté sur un rocher et voyant l'éclat désespéré des naufragés, il cria d'un air de triomphe. « Ne vous l'avais-je pas dit? N'avais-je pas raison ?» Plus la tempête augmentait, plus il élevait la voix pour leur dire « N'avais-je pas raison ?» Et il répétait la même phrase au milieu des cris de l'équipage mourant. Étrange sentiment de vanité qui élève des trophées au sein des tombeaux. C'est dans le même esprit que souvent on donne conseil aux malheureux, et que quand son malheur est au comble, on se console par l'idée de l'avoir prédit. Du reste, l'homme dont nous venons de parler avait le cœur généreux et sensible. Il en donna des preuves cette nuit même, car il périt en cherchant à sauver la vie à un matelot qui nageait à 20 pas de lui. Cependant, tout le rivage était couvert de monde. Les rochers semblaient être animés, mais toute assistance était impossible. Pas une chaloupe ne pouvait mettre en mer dans un temps pareil. Des cris retentissaient néanmoins d'un rocher à l'autre. Cris affreux qui annonçaient aux infortunés à la fois la proximité et l'impossibilité du secours. À la lumière des lanternes, ils voyaient le rivage peuplé d'habitants, dont ils étaient séparés par des vagues mugissantes, barrières insurmontables. Ce fut dans ce moment que Melmoth se réveilla d'une stupeur horrible, à laquelle il avait été livré, regarda autour de lui, et voyant l'attention de tant de personnes dirigée vers le même objet, dans le vain espoir de secourir des malheureux, il s'écria « Le cœur de l'homme est donc réellement bon quand il est excité par les souffrances de ses semblables. » Il n'eut pas le temps de s'abandonner à cette consolante réflexion. Elle fut troublée à la vue d'un personnage, debout sur un rocher, à quelques toises au-dessus de lui, et qui ne témoignait ni sympathie ni terreur. Il ne disait rien, n'offrait aucun secours. Melmoth pouvait à peine se soutenir sur le rocher glissant où il était placé. L'inconnu, quoique plus haut, paraissait être inébranlable. Il ne se laissait émouvoir ni par la tempête ni par le spectacle qu'il avait devant les yeux. Les vêtements de Melmoth étaient en lambeaux, malgré tous ses efforts. Ceux de l'étranger restaient immobiles au souffle de la tempête. Cette circonstance, quelque étonnante qu'elle fût, frappa moins notre jeune homme que l'insensibilité qu'il témoignait à la terreur et à la détresse qui l'environnait. Melmoth s'écria tout haut. « Juste ciel, est-il possible qu'une créature humaine reste là sans faire un effort, sans exprimer un sentiment en faveur de ces infortunés qui périssent ?» Après quelques moments de silence, il entendit distinctement ces mots. « Qu'il meure !» Il leva les yeux et vit encore l'étranger à la même place, les bras croisés sur la poitrine, le pied en avant, immobile au milieu de l'écume dont il était couvert. Au pâle rayon de la lune, Melmoth put observer qu'il considérait la scène avec une expression de physionomie formidable, révoltante, barbare. Dans ce moment même, une vague se brisa contre la carcasse du vaisseau, et un cri d'horreur s'éleva de la bouche de tous les spectateurs. Aussitôt que ce cri eut cessé de retentir, Melmoth entendit un éclat de rire qui lui glaça le sang dans les veines. Il provenait du personnage placé au-dessus de lui. Un souvenir vint tout à coup l'éclairer comme un coup de foudre. Il se rappela ce que le manuscrit disait de la nuit où Stanton rencontra pour la première fois en Espagne cet être extraordinaire dont l'existence enchantée, défiant le temps et l'espace, eut par la suite une si fatale influence sur sa destinée. Il se rappela le rire infernal avec lequel cet être avait contemplé les corps des deux amants que la foudre avait consumés. Melmoth crut avoir entendu ce même rire. Il ne douta pas que le même être ne fût devant ses yeux. Sans se livrer à aucune réflexion, il s'empressa d'escalader le rocher. Déjà, il n'était plus qu'à quelques pieds de cet objet-là, qui, la nuit comme le jour, occupait sans relâche toutes ses pensées. Il pouvait presque le toucher en étendant seulement la main. Il ne lui restait qu'un pas à faire pour atteindre le sommet de la roche. Il saisit une pierre, elle se détache, et Melmoth roule jusqu'au bas, où les flots semblaient l'attendre pour l'engloutir. Il ne sentit pas d'abord toute la hauteur de sa chute, mais il entendit le bruit de l'onde qui s'entr'ouvrait. Il alla pour un moment au fond et revint sur le champ à la surface de l'eau. Il se débattait sans rien trouver à saisir. 10 000 trompettes retentissaient à ses oreilles, des flammes sortaient de ses yeux. Enfin, il perdit tout à fait connaissance et ne reprit ses sens qu'au bout de quelques jours, quand il se retrouva dans son lit. La vieille gouvernante était à ses côtés. il s'écria d'une voix affaiblie. « Quel songe affreux !» Et il ajouta en retombant sur son oreiller, « Comme il a épuisé mes forces !» Chapitre 6. Après cette exclamation, Melmoth garda quelques heures un profond silence. Sa mémoire revenait graduellement, ses sens retrouvaient leur assiette, sa raison reprenait son empire. « Maintenant je me souviens de tout, » s'écria-t-il en se mettant sur son séant avec une véhémence soudaine qui effraya sa vieille garde, car elle croyait déjà que son délire allait le reprendre. Mais s'étant approchée de son lit, la chandelle d'une main, tandis que de l'autre elle se couvrait soigneusement les yeux, afin que la lumière tombât en plein sur les traits du malade, elle vit briller dans ses regards le feu de la raison. Tous ses mouvements indiquaient le retour parfait de la santé. Il demanda vivement comment il avait été sauvé, comment la tempête s'était terminée, si quelques personnes de l'équipage avaient survécu comme lui au naufrage. Quoi qu'on eût bien recommandé à la gouvernante de ne pas souffrir qu'il parlât, ni même qu'il écoutât parler, elle ne put s'empêcher de répondre à ses questions réitérées. Depuis plusieurs jours, déjà, elle suivait ponctuellement l'ordonnance. C'était tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Elle commença donc sa narration, qui servit du moins à endormir profondément Melmoth avant qu'elle fût à moitié terminée. Il avait écouté le commencement avec beaucoup d'attention, mais sa respiration prolongée fit bientôt connaître qu'il cédait à un assoupissement involontaire. Elle ne cessa pourtant pas de parler, et les images qu'elle dépeignait continuèrent pendant quelque temps à flotter vaguement devant ses yeux, sans qu'il pût néanmoins les comprendre ou les coordonner. Le lendemain, en se réveillant, il regarda autour de lui. Ses idées n'étaient pas encore bien nettes, mais il se rappelait cependant que la gouvernante lui avait parlé d'un étranger qui avait été sauvé du naufrage, qui se trouvait dans la maison et qui était encore très souffrant et très affaibli des meurtrissures qu'il avait reçues, de la frayeur et des fatigues qu'il avait éprouvées. Melmoth demanda instamment à le voir. Les opinions des domestiques étaient partagées au sujet de cet étranger. Il était catholique, et cette circonstance parlait en sa faveur auprès d'eux. Son premier mouvement, en recouvrant la raison, avait été de demander à un prêtre catholique et de remercier le ciel de ce qu'il se trouvait dans un pays où il pouvait jouir des secours de la religion. Jusque-là, tout allait bien, mais il montrait une hauteur mystérieuse et une réserve qui repoussait l'officieuse indiscrétion de ceux qui le servaient. Il se parlait souvent à lui-même dans une langue qu'il ne comprenait pas. Ils avaient espéré que l'ecclésiastique leur donnerait quelque éclaircissement à ce sujet, mais celui-ci, après avoir écouté pendant assez longtemps à la porte, déclara que la langue que l'étranger parlait n'était pas le latin, et quand il l'eut entretenu, il refusa de leur dire quelle était cette langue, et leur défendit même de témoigner à cet égard la moindre curiosité. Cette explication fut loin de les satisfaire, et ils décidèrent en outre que, puisque l'étranger parlait couramment l'anglais, ils n'avaient pas les droits de les inquiéter par ces sons inconnus qui, souvent pleins d'énergie, semblaient ne devoir servir qu'à évoquer quelque être invisible. « Il demande tout ce dont il a besoin en anglais, » dit la gouvernante. « Il dit en anglais qu'il lui faut de la chandelle, il dit aussi en anglais qu'il a envie de se coucher. Et pourquoi, diantre, ne peut-il pas tout faire en anglais ? Il adresse aussi en anglais sa prière à ce portrait qu'il tire sans cesse de sa poitrine. Et cependant, je suis sûr que ce n'est pas celui d'un saint, car je l'ai entrevu, c'est bien plutôt celui du diable, Dieu me préserve. » Toutes ces étranges rumeurs, et mille autres encore, étaient sans cesse rapportées à Melmoth, qui en était tout à fait étourdi. Enfin, ayant appris que l'ecclésiastique venait chaque jour voir l'étranger, il demanda si le père Fay était dans la maison. « S'il y est, je veux le voir. » Le père Fay ne tarda pas à se rendre auprès de lui. C'était un ecclésiastique grave et respecté, même de ceux qui n'étaient pas de sa communion. Quand il entra dans la chambre de Melmoth, celui-ci souriait encore du vain bavardage de ses domestiques. Je vous remercie, monsieur, dit-il, de vos attentions pour l'infortuné gentilhomme qui se trouve, m'a-t-on dit, chez moi. Je n'ai fait que remplir mon devoir. Est-il vrai qu'il parle parfois une langue étrangère ? L'ecclésiastique répondit affirmativement. Savez-vous quel est son pays ? Il est espagnol, dit le prêtre. Et cette réponse si simple ne laissa aucun doute à Melmotte. Il vit qu'il n'y avait dans tout cela d'autre mystère que celui que ses domestiques, dans leur folie, avaient eux-mêmes créé. L'ecclésiastique raconta pour lors à Melmotte les détails du naufrage. Le navire était un vaisseau marchand anglais, destiné à Wexford ou à Waterford, et qui, poussé par le vent sur la côte de Wicklow, y avait échoué sur des rochers à fleur d'eau dans la nuit du 19 octobre, et pendant la grande obscurité causée par la tempête. L'équipage, les passagers, tous avaient péri, excepté ce seul Espagnol. Une chose digne de remarque était que cet étranger avait sauvé la vie de Melmotte. Pendant qu'il s'efforçait d'atteindre le rivage à la nage, il avait vu celui-ci tomber du rocher qu'il gravissait, et quoique ses forces fussent à peu près épuisées, il en avait recueilli le peu qui lui restait pour sauver une personne qui, à ce qu'il jugeait, ne devait qu'à son humanité le danger où il avait été entraîné. Ses efforts réussirent, quoique Melmotte ne s'en aperçut pas, et le matin, on les trouva sur la grève, enlacés dans les bras l'un de l'autre, mais tous deux roides et sans connaissance. Quand on voulut les séparer, ils donnèrent quelques signes de vie, et l'étranger fut transporté à la maison de Melmotte. « Vous lui devez la vie, » dit le prêtre quand il eut fini de parler. « Je vais à l'instant même l'en remercier, » répondit Melmotte. Tandis qu'on l'aidait à sortir de son lit, la vieille femme lui dit à l'oreille avec un effroi qui n'était que trop visible, « Au nom du ciel, ne lui dites pas que vous êtes un Melmotte. Quelqu'un ayant par hasard prononcé ce nom devant lui l'autre soir, il s'est mis à battre la campagne comme un fou. » Melmotte se rappela douloureusement, à ces mots, quelques passages du manuscrit. Mais il fit un effort sur lui-même et se rendit à la chambre de l'étranger. L'Espagnol était un homme d'environ 30 ans, d'une belle figure et des manières prévenantes. À la gravité ordinaire à ceux de sa nation, il joignait une teinte particulière de mélancolie. Il parlait l'anglais couramment, et Melmotte lui en ayant fait l'observation, il répondit en soupirant qu'il l'avait appris à une pénible école. Melmotte changea pour lors de discours, et lui témoigna sa reconnaissance de ce qu'il lui avait sauvé les jours. « Seigneur, épargne-moi, dit l'Espagnol. Si la vie ne vous était pas plus précieuse qu'à moi, elle ne serait pas digne de vos regrets. Vous avez cependant fait des efforts pour vous sauver, observa Melmotte. C'était par instinct, dit l'Espagnol. Vous en avez fait autant pour moi, reprit Melmotte. C'est aussi de l'instinct dans le premier moment, répliqua l'Espagnol. Puis, reprenant sa grave politesse, il ajouta, je ferais mieux de l'attribuer à l'influence de mon bon génie. Je suis étranger dans ce pays et j'aurais été bien malheureux si je n'eusse trouvé un asile sous votre toit. » Melmotte crut remarquer qu'il parlait avec difficulté. Et il avoue en effet, quelques instants après, que quoiqu'il ne fût pas blessé, il avait éprouvé tant de fatigue, il s'était fait tant de contusions, qu'il avait presque perdu l'usage de ses membres, et qu'il respirait péniblement. Après avoir achevé la relation de ses souffrances pendant le naufrage et durant ses efforts pour gagner le rivage, il s'écria en espagnol « Oh mon Dieu, pourquoi Jonas s'est-il sauvé quand l'équipage a péri ?» Melmotte, croyant qu'il allait se livrer à quelques devoirs de piété, voulut se retirer, mais l'espagnol le retint en lui disant « Seigneur, j'apprends que votre nom est… » Il fit une pause, frémit, et puis, avec un effort qui ressemblait à une convulsion, il prononça le nom de Melmotte. « Mon nom est en effet Melmotte. Avez-vous eu un ancêtre à une époque très reculée, dont peut-être il ne vous reste plus de tradition ? Mais il est inutile de le demander. » Ici, l'Espagnol se couvrit le visage de ses deux mains et poussa un long gémissement. Melmotte l'écoutait avec une curiosité mêlée d'effroi. Peut-être que si vous vouliez poursuivre, je serai en état de vous répondre. Continuez donc, Seigneur. Avez-vous eu, reprit l'Espagnol en parlant rapidement, quoique avec effort, un parent qui ait visité l'Espagne il y a environ 140 ans? Je crois, oui. Je crains d'en avoir eu. Cela suffit, Seigneur. Laissez-moi. Demain, peut-être. Laissez-moi de grâce pour aujourd'hui. Il m'est impossible de vous quitter maintenant, dit Melmotte en le retenant dans ses bras comme il allait tomber par terre. Il n'était pas insensible, car ses yeux roulaient avec une expression terrible, et il s'efforçait de parler. Ils étaient seuls. Melmotte, n'osant l'abandonner, demanda de l'eau, et quand il voulut ouvrir son gilet pour faciliter sa respiration, il trouva sur son cœur une petite miniature. Dès qu'il eut touché ce portrait, l'étranger revint à lui comme par enchantement. Il le saisit, d'une main froide comme la mort, et murmura d'une voix rauque, mais touchante, « Qu'avez-vous fait ?» Il chercha le ruban auquel ce portrait était suspendu, et dès qu'il se fut tranquillisé au sujet de son trésor, il se tourna vers Melmotte et dit, avec un calme effrayant, « Vous savez donc tout ?»« Je ne sais rien, » dit Melmotte en balbutiant. L'Espagnol se releva, et se dégageant des bras de Melmotte qui le soutenait, il s'approcha vivement, mais en chancelant des lumières, exposa à ses regards le portrait qu'il tenait. C'était celui de cet être extraordinaire. Grossièrement peint, on y reconnaissait le pinceau d'un amateur. Mais la ressemblance était d'une fidélité surprenante. « Votre ancêtre était-il l'original de ce portrait? Êtes-vous un de ses descendants? Êtes-vous le dépositaire de ce terrible secret qui... » Il tomba de nouveau sur le plancher, agité d'affreuses convulsions, et Melmotte, qui, dans l'état de faiblesse où il se trouvait lui-même, ne pouvait supporter une pareille scène, fut ramené dans son appartement. Il ne revit son hôte qu'au bout de plusieurs jours. Celui-ci était plus calme, et il conserva sa tranquillité jusqu'à ce qu'il se rappelât qu'il devait à Melmotte quelques excuses de la singulière émotion qu'il avait témoignée à leur première entrevue. Il commença en hésitant, s'arrêta et paraissait chercher vainement à mettre de l'ordre dans ses idées, ou plutôt dans son langage. Mais il était si évident que les efforts qu'il faisait ne servaient qu'à renouveler son émotion que Melmotte crut devoir les lui éviter, et changea de conversation. Celle qu'il choisit fut la plus malheureuse qu'il eût pu imaginer. Il lui demanda le motif de son voyage en Irlande. Après une longue pause, l'Espagnol lui dit « Il y a peu de jours, Seigneur, que je ne pensais pas qu'il existât un mortel dont le pouvoir alla jusqu'à me forcer à dévoiler ce motif. Je le croyais aussi impossible à communiquer que difficile à croire. Il me semblait que j'étais seul sur la terre, sans espoir et sans consolation. Il est étrange qu'un accident m'ait conduit chez le seul individu de qui je puis attendre l'un et l'autre, et qui pourra peut-être faciliter pour moi le développement des circonstances qui m'ont placé dans une situation si extraordinaire. » Cet exorde, prononcé avec une gravité solennelle, fit beaucoup d'effet sur Melmotte. Il s'assit et se préparait à l'écouter. Déjà l'Espagnol avait commencé à parler quand, après un peu d'hésitation, il arracha le portrait de son cou et, le jetant par terre, il l'écrasa sous ses pieds avec une vivacité tout à fait méridionale, puis il s'écria « Démon, démon, tu m'étrangles !» Quand l'exécution fut faite, il dit « Maintenant je suis plus tranquille. » La chambre dans laquelle ils étaient assis était basse et mal meublée. La soirée était orageuse et le vent faisait crier les fenêtres et les portes. Pendant la longue pause que fit l'Espagnol avant de commencer sa narration, Melmotte se sentit profondément agité. Son cœur battait. Il se leva et voulut, par un signe de la main, l'empêcher de parler. L'étranger, regardant au contraire ce signe comme une marque de son impatience, prit la parole en ces termes. Fin du premier volume.